Nous devons toujours venir dans la joie. Parce que Dieu lui-même travaille dans la joie. Et il se glorifie à travers la joie. Le frère Jean Manager, remercie Dieu pour lui avoir accordé la solution dans une difficulté qu'il avait au boulot. Il remercie en particulier l'Église. Le dossier s'est bien terminé. Et il a été reconnu innocent par les autorités. Et ils l'ont réhabilité. C'est pourquoi il loue le Seigneur pour cela. Devons-nous prendre l'étude de la parole. Alpha et l'Oméga. Le commencement de toutes choses et la fin. C'est toi la source de toute lumière. Le créateur de toutes choses. Rien de ce que nous voyons n'existe sans toi. Nous-mêmes, nous sommes l'œuvre de tes mains. Et ce matin, nous te disons merci. Parce que tu accomplis des œuvres merveilleuses. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi nous nous inclinons ce matin pour te demander pardon. Tu es trop saint et tu es le plus élevé. Nous ne méritons rien. C'est Jésus qui a tout mérité. Seigneur, nous nous tenons devant ta présence comme Isaïe, avec des lèvres suies, des pensées impures. Mais nous te prions dans le nom de Jésus. Prends une pierre ardente. Touche nos lèvres, Seigneur. Pas seulement nos lèvres, et nos âmes aussi. Ainsi nous te servirons avec dévouement. Seigneur, bénis ce peuple. Ce sont les gens qui t'aiment. Voilà pourquoi ils ont abandonné leurs travaux. Ils se sont réunis ici. Non pas parce que c'est un beau bâtiment, mais ils viennent ici pour entendre ta parole. Laisse tes merveilles être annoncées. Afin que nos cœurs se réjouissent en toi. Et que ton nom soit élevé. Guéris les malades au milieu de nous. Pas seulement nos maladies physiques, nos maladies aussi spirituelles. Tu deviens à la fin soit glorifié. Souviens-toi de chaque frère, de chaque sœur. Même de qui dans les saints écrits. Et toi tu accomplis le désir de juste. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Souviens-toi de ceux qui sont malades, enfants de la sœur Maggie, d'une manière particulière. Seigneur, ceux qui sont éprouvés, la consolation viendra de toi. Merci Seigneur. Et la parole qui sera lue, utilise-nous comme des micros pour parler à ton Père. Bénis mon frère qui m'interprète. Bénis toute la congrégation. Te recommandons tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Ésaïe 6. Isaïe 6. Verset 1. Isaïe 1. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Le séraphin se tenait au-dessus de lui. Il avait chacun six ailes. Deux dont il se couvrait le pied. Deux dont il s'est servi pour voler. Il criait l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre remplie est pleine de sa gloire. Et les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait. Et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, l'avait prise de l'autel avec des pincettes. Il a touché ma bouche. Et si a touché tes lèvres, l'iniquité t'enlevait et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera de pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Deuxième chronique 26. Envoici tous rapide. 3 et 5. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 42 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jecolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu les fit prospérer. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je pensais que je terminerai la révision dans deux jours. Mais c'était vraiment impossible pour nous. C'est pourquoi, si c'est la volonté de Dieu, nous terminons notre révision. Aujourd'hui, pour permettre à la semaine prochaine d'évoluer avec notre prédication. Quand je méditais sur les prédications que nous suivons ces jours-ci, je crois de tout mon cœur que Dieu a quelque chose à faire avec son Église. Ce n'est pas pour rien que Dieu insiste. Volontairement, je voulais un peu évoluer. Mais l'Esprit me retient sur certaines choses sur lesquelles je dois encore beaucoup insister. Les temps sont mauvais. Le retour du Seigneur est imminent. Mais le peuple dort dans la négligence. Il faut réveiller le peuple de Dieu. Et il faut le réveiller avec un fouet. Parce que les conditions de l'âge de la Odyssée sont vraiment réunies. C'est comme je l'avais dit autrefois. Quand j'auditionne les prédications et les enseignements qui nous sont donnés, ce qui m'arrive souvent de le faire, je le fais souvent. Il arrive de voir que les choses que nous disons ici ne sont pas des choses que nous avons préparées. Alors, nous voyons comment le Saint-Esprit conduit les choses. Et je crois que le Saint-Esprit est merveillé dans ce qu'il fait. Et je me posais la question de savoir, est-ce que l'église de Kambo saisit les choses que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner? C'est ça ma plus grande préoccupation. Et nous verrons réellement si ces choses-là trouvent vie dans les croyants. Et cela apporte du fruit. Il y a deux fois, moi-même, femme, j'arrêtais la prédication pour réécouter encore. Je trouvais que c'est vraiment fondamental que l'Église ait une oreille ouverte pour écouter ce que l'Esprit dit. Comme nous l'avons montré, nous avons pris Osias et Esaïe pour parler à l'Église. Non pas pour parler d'autres personnes, mais pour parler de nous-mêmes. Parce que c'est nous qui sommes les fous. C'est nous qui avons besoin d'aller dans l'enlèvement. C'est nous qui nous préparons. C'est nous qui avons besoin de produire de bons fruits pour le Seigneur. Nous ne voulons pas être retranchés, mais nous voulons réellement habiter dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi nous avons déjà parlé, nous avons repris les mêmes choses, mais quand je suivais hier l'été, donc les prédications et la révision, la religion est allée aussi peut-être dans un sens qu'on n'avait pas beauté de l'autre côté, mais pour la première fois. Et c'est comme ça que Dieu le fait. C'est pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons évoluer un peu dans notre religion. Nous vous avions déjà dit et enseigné qu'Ozias avait mené tellement une vie consacrée à Dieu. Il honorait tellement la parole et les commandements du Seigneur que Dieu était obligé de le bénir. Il ne faisait rien en dehors de la parole. Dans tout ce qu'il faisait, il cherchait premièrement où se trouvait la volonté de Dieu. Ce n'était pas seulement un bon exemple pour Esaïe, mais aussi un bon exemple pour chacun de nous ce matin. Si chaque frère et chaque sœur dans cette église peut se consacrer à Dieu d'une manière particulière, au point qu'il ne peut rien faire dans sa vie sans considérer la parole de Dieu, il doit premièrement chercher la volonté de Dieu avant toute chose. Nous serons un peuple particulier et une église bénie, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'oubliez pas que nous parlons sur les influences. Les parents d'Ozias avaient influencé Ozias. Ozias avait influencé Esaïe. Ozias avait influencé et son peuple. Et Dieu le bénit d'une manière toute particulière. Nous vous avons montré qu'aux Ozias était une grande aide pour Esaïe. Ozias, jeune, Esaïe, un jeune homme. Ozias, roi. Et Esaïe, prophète. Et leur vie marcha de pair. Ozias avait tellement influencé Esaïe qu'Esaïe était obligé de chercher pourquoi Ozias avait une telle influence sur lui et sur son peuple. C'est à ce moment-là qu'il découvrit que son influence et sa bénédiction divine venaient de sa consacration, de sa confiance totale en Dieu, et qu'Ozias ne faisait rien sans Dieu, sans la volonté de Dieu, sans consulter Dieu. C'est alors qu'Esaïe comprit pourquoi Ozias était béni. Il était fidèle à la parole. Nous avions beaucoup insisté là-dessus. Et nous insistons. En tant que fils et fille de Dieu, nous devons être influencés dans le bon. Regardez autour de vous. Regardez un frère ou une sœur. Que Dieu bénit. Que Dieu protège. Vérifiez d'où lui vient son influence. Et imitez les bonnes choses comme l'écriture. Regardez un foyer dans l'église que Dieu protège. Un foyer qui prospère dans la parole. Un foyer qui est béni de l'Éternel. Imitez cela. Je l'ai toujours dit dans d'autres sermons. De cette manière, vous voulez avoir un ami, c'est bien. Vous voulez avoir une amie, c'est bien. Mais avant d'avoir un ami, ou avant d'entrer dans une compagnie, arrête-toi et observe. Regardez, pourquoi ce frère vit en paix avec son époux? Qu'est-ce qui fait la paix de leur foyer? Regardez une sœur, comment elle vit avec son mari? Qu'est-ce qui fait que cette sœur est appréciée par son mari? Imitez les bonnes choses. Oui, bien aimé frère. Soyez influencé par cela. Même au travail. Regardez ce travailleur. Que le chef apprécie. Pourquoi il apprécie? Et il ne m'apprécie pas moi. Pourquoi? Si les gens peuvent réfléchir de cette manière, il n'y aurait pas de mauvaises choses. Et beaucoup de vies seraient sauvées. Nous sommes des frères, d'accord. Nous sommes des sœurs, d'accord. Nous sommes des couples, d'accord. Mais regardez, chacun de nous, chaque couple est influencé par quelque chose. Ne faites pas des alliances n'importe comment. Non, bien-aimés frères et sœurs. Soyez bien influencés. Dans la vie, en tant que fils et filles de Dieu, soyez-moi très bien. Ayez toujours des bons conseillers. Amen. Église de Kambo, Kanisa Kambo, frères et sœurs, je parle à chaque frère, à chaque sœur en particulier, et je m'adresse à moi-même. Ayez toujours dans la vie des bons conseillers. Des conseillers sages et des conseillers sensés. Ne prenez pas n'importe qui comme conseiller. Et je crois de tout mon cœur qu'un bon conseiller, c'est celui qui craint l'Éternel. Oui, bien-aimés frères et sœurs, ayez toujours de bons conseils. Est-ce que Frère Douglas, tu peux nous écrire cette pensée-là? Ayez toujours de bons conseils. Et si vous avez un bon conseiller, les bons conseils qui vous viennent d'un homme sage. Ayez toujours des bons conseils. Ne l'oubliez jamais. Notez-les en rouge dans vos Bibles. Et gravez-les dans vos cœurs. Je peux prendre la Bible pour vous donner beaucoup d'exemples. Bantu bote ndani ya maisha yao. Tous ces gens-là qui dans leur vie. Baripata konema ya kuya na bashauri bazuri. Na Mungu alipatia neema ya kushikia mashauri. Baranza kuwapatia maisha yao ilikuwa ya salama. Amen. Il y a des possibilités de progrès dans leur vie. La Mungu alibariki. Dieu a béni leur vie. Dans première chronique, au moment où pour d'avoir quinze, ayez toujours de bons conseillers. Ayez toujours. Toujours. Il a chiku, il a mara. Bashauri bazuri. Toujours de bons conseillers. Il a mara. Bashauri bazuri. Au verset 32. Mustara makumi tatu na mbili. Ici on nous parle des conseillers particuliers de David. Apa bon simanja bashauri ba upeke ba David. Jonathan. Jonathan. Oncle de David. Yombaki ya David. Un homme de sens, et de savoir oui, Jonathan. Dis au Jonathan, l'oncle de David, était un conseiller. Alquani Mshauri, un homme de sens. Ce n'était pas quelqu'un qui donnait n'importe quel conseil. Avant de conseiller quelqu'un, il se mettait, il réfléchissait, avec la parole, il regardait quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il pouvait dire à cet homme, qu'est-ce qu'il pouvait dévoiler à cet homme. Il comprenait que la bonne chose à conseiller à cet homme, c'est lui révéler la volonté de Dieu dans ce qu'il fait. Il avait le bon sens. Oui, Dieu. Et de savoir. Il connaissait les Écritures. Il connaissait les principes de Dieu. Oui, bien aimé frère. Un conseiller est un homme expérimenté. Il sait de quoi il parle. Et il sait où il se tient. Il ne parle pas dans l'air. Mais il se tient sur Dieu. Oui, bien-aimé frère. Dio, nous comprenons. Vous irez jusqu'à la fin, vous verrez qu'il avait vraiment de bons conseillers. Lorsque vous trouvez un frère ou une sœur, qui a de bons conseils, un homme de Dieu, qui a de bons conseils, c'est celui-là qui doit être ton ami. Il te donnera des conseils pour ta paix, pour ta bénédiction, pour ta sécurité. Quand vous prenez deuxième Corinthiens, prenez Corinthiens chapitre 26, vous verrez dans le verset 14, les sorts reçus, verset 14, je prends la deuxième partie, on dira au sort pour Zacharie son fils, qui était un conseiller sage. Il était un conseiller sage. La Bible dit, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. S'éloigner du péché, c'est cela l'intelligence. Kuya na rafiki mu maisha yako, kuya na nduku na dada, eko na kufundisha heshima ya sauti ya Mungu, na eko na kufundisha kukimbia dhambi. Voilà un conseiller que vous devez avoir. Quelqu'un qui t'apprend à honorer Dieu, oui, honorer la parole de Dieu dans tout ce que tu fais. Voilà mon conseiller. Te donne des conseils à t'éloigner. Voilà mon conseiller. Oui, bien aimé frère. C'est pourquoi, si tu as un bon conseiller, écoutez le bon conseil. Qu'est-ce que ce dernier vous donne de la part du Seigneur? Proverbe chapitre 12. Verset 20 de l'Écriture. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. Ok. Mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Shauri salama, mbona nita salama. Oui, bien aimé frère. Unaona ndugu mpendwa. La joie est pour ceux qui conseillent la paix. Bana shauri njoo uleta salama. Si vous voulez conseiller quelqu'un, shauri ya mtu. Umushauriye. Munaona ya kupata salama. Mwile veut t'entreprendre. Dio, c'est vrai. Kushauri ya mtu va conseiller quelqu'un. Mashauri akumletea fujo. Donne des conseils qui va lui susciter des ordres dans la confusion. Non bien mes frères. Papa n'a tout compris. Dans Proverbe 13. Isali sur la table. Dans le verset 10 l'écriture dit. Dans la première dit qu'on a semé. C'est selon par orgueil qu'on existe des querelles. Comme a dit vous notre. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Ils disent Mashauri. On vous conseille pour la paix. Alors, recevez aussi les conseils de la paix. Ce sont ces conseils de la paix qui vous conduiront dans la sagesse. Oui, bien-aimés frères. Évitez d'avoir des mauvais conseillers. Évitons d'avoir de mauvais conseillers. Évitons d'avoir de mauvais conseillers. Tu katale kuya na bashauri babaya. Évitons d'avoir de mauvais conseillers. Oui, bien mes frères et sœurs. La Bible est pleine. Bible est une Bible. Des exemples de mauvais conseillers. Nous pouvons donner beaucoup d'exemples. Quand vous prenez 2 Chroniques au chapitre 22, vous trouverez Atali, cette femme méchante qui conseille son fils d'une mauvaise manière. Écoutez ce que dit l'Écriture. 2 Chroniques au chapitre 22. Akazia. Je commence au verset 3, au verset 2. Jusqu'au verset 4. Écoutez. Akazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi. Il est régna un an à Jérusalem. Parce que les méchants n'ont pas une longue vie. Quand vous recevez des mauvais conseils, un mauvais conseiller, c'est un meurtrier. Amen. Ici c'était sa propre mère. Quand tu maman yaki, uzazi. Utawezi kuya mama mubaya. Utawezi kuya baba mubaya. Un mauvais père. Utawezi kuya na mama mubaya. Utawezi kuya na baba mubaya. Avoir un mauvais père. On a toujours vu dans les foyers. Faut trouver une sœur mariée. Eko na mama yake mupagano. Sa mère païenne. Mwenye kuya na ma karakteristiki yote ya shetani ndani yake. Les caractéristiques du diable. Mais ule tata pila ikima. Eko na mutumainia tellement mama yake. Sa mère qui l'a dit. Non, bien mes frères. Ce n'est pas ainsi que nous devons évoluer. Là vous comprenez mal les écrits. On honore ton père et ta mère. C'est un commandement divin. Et ton père et ta mère doivent t'instruire selon Dieu. Vous voyez bien de mes frères. Vous voyez bien de mes soeurs. Frère, ni famille, ni c'est la famille qui me l'a dit. C'est déjà un défaut dès le départ. Car nous avons des difficultés. En tant que croyants, en tant que couple chrétien, lorsque nous passons des moments de troubles, le véritable conseiller de notre vie, de notre foyer, c'est Dieu lui-même. Et il est fait à travers les bergers qu'il a établi. Vous avez des difficultés. Vous passez un temps de trouble, un temps de confusion dans ta vie. Ou qu'on n'avait pas un souvent de moudounia, ça va conseiller. Ou comme un ami. C'est là qu'il n'est pas normal. On est d'accord où il y a notre conseiller. On est d'accord où il y a notre conseiller Yves. On est d'accord où il y a ta conseiller. Où t'avais ma conseiller à Wagen. Quel est le conseil que tu vas prendre à conseiller? Où t'avais ma conseiller à Chétan et Takoua? Tu vas prendre le conseil du diable pour te tuer. Un chrétien ne fait pas cela. Oui, ça c'est d'aller vilain. Il est lui-même censé. C'est pourquoi il prend des conseils qui viennent des hommes et des femmes censés. Il ne fait pas n'importe comment. Et il ne fait pas n'importe quoi. Non, bien-aimés frères. Akazia est mauvais. Avec une mère mauvaise, comme nous l'avons montré dans les jours passés. Il y a un an à Jérusalem, sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Il mangea dans les voies de la maison de son père. Il mangea dans la voie, dans les voies de son père, Akab. Akab est le plus méchant. Méchant est le plus horrible de tous les rois qui ont régné sur Israël. Il n'y a rien de bon d'Akab. Un mauvais. Akazi a suivi sa voie. Et sa mère lui donnait des conseils impies. Du méchant. Viens la méchanceté. Tel impie. Viens le conseil impie. Il vit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Oh, mais la maison d'Akab. Où il eut, après la mort de son père, des mauvais conseillers pour sa perte. Pour sa perte, un mauvais, un méchant. Voyez, sa mère méchante, une femme impie, une païenne qui n'avait pas la crainte de Dieu, qui donnait à son fils des conseils impies, elle-même, sans discernement, sans sagesse, s'est fait entourer des conseillers méchants qui nous donnaient des conseils pour sa perte. On n'accepte pas n'importe quoi. Non, bien-aimés frères et sœurs. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu est mauvais. Tout ce qui brise la volonté de Dieu est mauvais. Attends, nous laissez mon français. Attends, nous qui avouer. C'est mauvais, c'est pour ta perte. Ne l'acceptez jamais. Faut jamais le faire. Il ne faut jamais le faire. On n'accepte pas des conseils comme un fou. Oh, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, parce que tu recommences à canaille. Voilà. Mouka, tu recommences à canaille comme un somme. Tu refoules à comme un somme. Tu vois mon quartier. Ananipenda, Nibia Bongo, les hommes impies, dans les conseils des hommes impies, ils tendent des pièges. Où ta voix est de couille à la Biblia. Tu peux avoir la bonne aïe avec toi. Où Chamil Yakusema, va la fiki à Kogote, va la koufraïe. C'est faux. Il y a d'autres qui l'envient. Il y a d'autres qui te veulent le mal, le malheur. Parle à Kouona, vous n'êtes pas la Mouanayako, vous n'êtes pas bien, vous voyez, vous n'êtes pas la Koufouika bien, pas tout comme Salama. Vérifiez le conseil. Il t'allait à Salama. Moujama Yako. Ah, il t'allait à Fujo. Moujama Yako. Il y a dans ton foyer des troubles. Pourquoi accepter un conseil? Il est en bas comme un coupati aïo. Il est allé dans mon kitanda yanke. Nabouanayake. Mais qu'on a tchéka. Il avait en paix avec son mari. Mais oui, il est en bas comme un coupati. Avec son mari, vous les trouvez maintenant dans des disputes. Vous gagnez quoi dans cette dame? Comment vous pouvez accepter un conseil d'un frère, un conseil qui te conseille mal? Vous voyez bien mes frères? Non, on a tout Nathalie, une mauvaise femme. Nathalie, mon ami Kimbaya, qui donnait à son fils de mauvais conseils. Des conseils impies. Oui, bien mes frères. Il y a une autre femme. Comme vous pouvez lire dans 2 Premiers Rois chapitre. une très bonne nouvelle. C'est le premier temps de l'Église. Au verset 5 à 6, c'est Jézabel. Une femme méchante qui donnait à son mari des conseils impies. Oui, bien aimé frère. Pourquoi pas tout bengine? Aïe, la semaine, ni mandot. Ce ne sont pas des banques, mais des gens qui existent réellement. Bibi, est qu'on a conseillé pour Anayake, Bintou Bibaya, est-ce qu'on a Frayoua, parce que quand on a Bintou, est-ce qu'on a combat à Bantou, est-ce qu'on a Frayoua, est-ce qu'on a Kousema, pour Anayake comme Kalamouche. Son mari est vraiment malade. Il y a des femmes qui sont habitées par les esprits des ténèbres. Oui, je ne m'en peux pas, Mguiza. Et Jézabel est un exemple. Jézabel est mon fan, je ne vais pas me dire. Comment une femme a vous conseiller? Une femme peut donner un conseil. Quelqu'un qui ne t'a pas fait du mal. Quelqu'un qui est en paix. Ton créancier. C'est compliqué ça. C'est une méchanceté. Il est ni ouvu ni ukali. Il ne faut jamais accepter n'importe quel conseil. Mon Christ, un chrétien, Allah qui dit oui, n'est pas. Mon Christ, Allah qui fofu, n'est pas vrai. Baba yake kona macho, baba yake kona mashikio, na mtoto wa Mungu anashikiata, na anaonaka. Mungu yake ni mula bwana anapenda kutembelea. On accepte pas n'importe quoi. Ah, mais tu as dit que tu vas abonner ça, on est chic. Est allé trouver Naboth. Na mashamba yake. Il va s'asseoir qui va nous pâcher. Son héritage. Uriti yake. Allez, va vous solliciter ma chambre. Akabe est allé sur. Akabe, Naboth a demandé. Si ouais, Zikukabula. Si ouais, Zikukabula. Uriti va s'asseoir. Mon héritage. L'héritage de ma chambre. Il défendait l'héritage. Comme un véritable chrétien. Tu vas défendre la vérité. Tu vas défendre la parole. L'héritage des chrétiens, l'héritage d'une chrétienne, c'est la parole, c'est la vérité, c'est la vie. Vous imaginez, tu n'as pas sa compagnie. Nous devons combattre pour ça. Sa compagnie est joyeuse. La botte a refusé. La botte a dit je ne peux pas faire ça. Joyeuse, couteau. Mais c'est féminin. Qui nous engage? Il trouve sa femme. Qui lui dit non? Écrit une fausse lettre. Dit à qui se rabote? On stake une botte. Qui l'a maudit le roi? Et qui l'a maudit Dieu? Il sera lapidé. Et moi je vais te donner ce chambre. Quelle méchanceté! Bukali kani boule. On ne peut pas accepter ça. Aïe, y a bien une chose chica. Tu ne dois pas voir une femme qui t'apprend à vivre malhonnêtement. Non, bien aimé frère. Qui t'encourage à vivre malhonnêtement. À faire des travaux indignes. Non, bien aimé frère. Un chrétien fait un travail honorable. Amen. Il fait pas n'importe quoi. Frère Mouinjo Mazou, frère Mouinjo Mangamba, frère Escro, et ta femme, et qu'on a pas encouragé vite, c'est une mauvaise conseillère. Akab était une très mauvaise. Akab a été une très mauvaise. Il y a une autre, c'est Jéroboam. Dans le premier roi chapitre, il a eu des vieux conseillers, des conseillers sages, qui étaient expérimentés. Il y avait vécu avec le roi, son père. Mais quand lui il est venu, les jeunes gens de son âge, Babiane, Barafiki, Barakumasomo, ses jeunes amis, ses Barafiki, Barakumasomo, conditions. Ok, Aïna Masomo, il a l'état qu'à Akiri Kouamoutou. Aïna Masomo, il a l'état qu'à Akiri Kouamoutou. Il est un sage, un homme. Babi Wele Wele Vamin, beaucoup de gens. Natoubantoum, Batouaming, Tonaoumé, Tonaoumé, Tonaoumé, Tonatoka, Kali Kouamasomo. Des études de l'université et même des écoles. Mwarimu prostituée. Mwarimu Dumba. Un prostitué. Atalette qui va pas moutou mouni la sagesse peut-il donner à quelqu'un d'autre. masomo tuko na tuma kwa watoto yetu tuko na ifunda ni juu ya kazi juu ya msaada kwa dunia aina kwa masomo kule tunaenda kufunda hekima hekima iko paka ndani ya sauti ya Mungu amen hata uko licencié hata uko gradué hata uko nani hata uko nani hata unaweza kutembea dunia yote mzima mais uko na mtumishi wa Mungu aliyafundaka hata kwa école primaire mais l'un de nouveau baptisé du Saint-Esprit c'est celui-là qui doit te conseiller amen Il y a de la sagesse, il y a de l'intelligence. On voit les Akuna Bantuba pas comme les professeurs de l'université. Il n'y a pas de méchants gens comme les professeurs de l'université. Tellement que sa ville est nous folie à connaissance. Il devient ingénieur dans le mal. Il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de Ils font des choses qui sont tellement mauvaises. Ils font des mauvaises choses. Des choses impies et abominables. La crainte de Dieu a disparu dans leur cœur. Et ces gens-là ne peuvent pas donner quelque chose de bon genre. Non, bien mes frères. La sagesse est avec ceux qui craignent l'éternel. Il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs qui agissent comme des insensés. Vous voyez bien mes frères, on avait un conseil, il a coulé à Loufou, il a coulé à Fujo, où qu'on a Baba Yako, où qu'on a Mama Yako, on a poufouli chaque mousouri, on a coupenda, et qu'on a poufouli chaque mousouri. Ouate conseil à Baba Yako, à Mama Yako, ouate au Kabayambe, conseil à tout barafiki, comme à Somo. Des amis, des très condisciples de l'école. Qui tu as Yako, moukoma Iboué, amouna sa maïbo, moukoma Iboué. Tu ne réfléchis pas correctement. Quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour ta vie, quelqu'un qui n'a pas souffert pour toi, quelqu'un qui ne souffre pas pour toi, Baba Yako, Dieu va confondre, tu es pour la Maman Yako, pour la coutesse, la mère souffre. Mais tu abandonnes le conseil d'une mère pieuse, d'un papa pieux. Vous n'avez pas foi, ça te m'a conseillé comme parabane. C'est même la collègue. Frère, papa va dire que vous les parents ont déjà vieilli. Maintenant, c'est une autre génération. Une génération s'en va, une autre arrive. Il croit qu'un passage, c'est un fou, c'est folle. La parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu est une vérité éprouvée et purée. Elle est éternelle. Elle ne dépend pas des générations. Ma génération, il traîne. Ma génération est à couille. Mais la parole de Dieu et le conseil de la parole restent les mêmes. Celui qui le suit sera béni. Il marchera dans la sécurité. Oh non, nos frères. Ce sont les jeunes avec qui on a étudié. Non, bien mes frères. Ce sont les jeunes gens. Il y a beaucoup de jeunes sœurs. Il y a beaucoup de jeunes frères qui sont détournés par les amis d'enfants. Qui sont détournés par les collègues. On a tout à Bikira. Dans des vallées, pour ne pas foutre moi dans mon caisse. Stupide. bengine bako nalala nabo kuitanda wewe kwa kulala na wewe kumayani huko mtu wana mbakani vous n'avez pas de valeur vous avez seulement la valeur d'un chien et d'une chienne mais un homme il a l'image de Dieu il a la représentation de Dieu en lui il a la salle de Dieu vous voyez bien mes frères où la toi quoi nous mousoul c'est qu'on est dans le de Mariamba Mampombe Maloutoukou Maroche Kouvo Benjako Bato Tabandoumba les enfants et vous les clichés vous piétinez les posettes impersables la vous récolterez la vous non vous recevez des mauvais conseils on a poké ma chahouri moubaya pour votre destruction tout y'a arrivé ako. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. C'est une honte. Une très grande honte. Nos filles. Nos jeunes gens. Non. La vie, ce n'est pas correct. Nous t'entendons Christ. Il se promène avec il a trouvé des mauvais conseillers et des mauvaises conseillères. Non bien mes frères, n'ayez jamais des mauvais conseillers. Les mauvais conseillers vous conseilleront pour ta perte. Quand vous trouvez un bon conseiller, il y a eu un autre mauvais conseiller qui avait changé. Parce que même les bons conseillers même changé un mauvais conseiller. Achitophel était un bon conseiller de David. Absalom détrône son père. Il chasse son père de son trône. Achitophel qu'il voulait parler avec l'un de l'éternel, il ne voulait pas errer. Koukoba Tumishi Amou, na Koukoba Antou, Aba Benda Kekoute, Sotua Saoudi Amou. Vous voyez, il voulait rester avec Absalom parce qu'il s'est investi roi. David fouille devant son fils avec le reste de ça qu'il fait. Il lui faisait confiance. Aïtophel qui ne voulait pas aller avec David, il est resté avec Absalom. Un méchant, un mauvais esprit est tombé sur lui. Il dit maintenant pour affermir ton royaume. Là-bas, tout le monde va lui accuser. C'est là qu'il a caché entre Baba Yako et toi et toi. Oui, de mon palais royal. Dans le palais Yako, David Yako et Baba Yako. Là, avant tout le monde. Quel mauvais conseil. Chahouri Moubaya. C'est un très mauvais conseil. Il est le Chahouri Moubaya. Semblable au conseiller d'Amnon. Il avait conseillé de coucher avec sa soeur. Ce sont les choses qu'on ne doit pas accepter. Un chrétien ne doit pas accepter. Comment coucher avec les femmes de mon père? J'ai au reste de l'écriture. De ta mère. Aïtophel savait cela. Mais inspiré par les démons, il a donné de mauvais conseils. C'est pourquoi un chrétien discerne chaque conseil. Parce que les bons aussi peuvent être des mauvais. Le diable est très rusé. Il peut utiliser n'importe qui. C'est pourquoi vérifier cela. Ne prenez pas n'importe quoi. Non, bien aimé frère. Même si c'est un conseiller, c'est une conseillère. Anna Koubaka, pas ma conseiller, bien. Aïsène, il faut quoi, tu caillotes, ça vous mouille couler en pomme. Non, bien aimé frère. Il faut toujours discerner. Il faut toujours être sous vos gardes. Pas à tout la combine. Nous sommes pas encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous sommes encore. Nous Il n'est qu'un personne. Aristophane lui a donné des conseils. Vous lirez cela dans 2 Samuel. Au chapitre 20, au chapitre 16, verset 20. A commencer par le verset 20. Vous les lirez à la maison. Vous voyez, comment quelqu'un peut te conseiller? Où l'a l'air de Bouyako? Où l'a l'air de Bouyako? Pas de Konaman. Où l'a l'air de Mamayako? Pas de Bouyako, pas ta puissance. Ce sont les puissances de Bouyako. Pas ta main. Ça se trouve parmi les usages humains. Là, la maman Mayako, tu n'as pas de langage. Là, la maman Mayako, tu n'as pas de langage. Tu n'as pas de langage. Tu n'as pas de langage. Tu n'as pas de langage. Tu n'as pas de langage. Tu n'as pas de langage. Tu n'as pas de langage. Tu n'as pas de langage. Tu n'as pas de langage. Tu n'as pas de langage. Tu n'as pas de langage. Tu Malakota qui m'a maillé qui bombasse, y a mon ami. La grâce de Dieu a pu tout temps avoir une amal. En ce qui te met dans le motoka, tu as pu ça motoka. Il faut que tu mettes dans la mayako. Il faut qu'on ait la motoka. Il faut coucher avec ton bombasse. Soit avec ta mère insensé. Ce sont des conseillers qui. Bah les bachar ou bachar, papa y a ça. C'est pourquoi frère. Je commande en doux. Soyez toujours influencés. Qui la marre ou pas te couvre toi. Bah la parole de Dieu. La parole de Dieu. Soyez toujours influencé dans le bon. Croyez bien à mes frères. Soyez influencé par des chrétiens. Soyez influencé par des foyers chrétiens. Voyez bien à mes frères. Kama on a zumbu la kusema. Commerce de Mukizu wa kwe. A la kouya rafiki ya. Et cela devient maintenant mon ami. Je me fais ami. Pas qu'on influence dans le bon. Dans le bon. Il me donne de bons conseils. Oui, bien aimé frère. Kanisa ikona la bika. Maisha ya bantu ikona la bika. Maziama ikona la bika. Tu vantu ikona kokia ma shauri mubaya. Mauvais conseil. Ça ne doit pas être ainsi. Aïe, je voulais dire, tu ne vas pas en panique. Non, bien aimé frère. Banam du kumpendoa. Paul disait à Timothée. Paul en a monné à Timothée. Deuxième Timothée. Timothée va pire. Chapitre 3. Dans son verset 10, ce que tu dis. Pour toi, Timothée. Tu as suivi de près. Une fois, mon enseignement. Ma conduite. Mes projets. Ma foi. Ma foi. Ma douceur. Mon amour. Ma constance, ma fermeté, il était ferme. Paul enseigne à Timothée. À Timothée. C'est moi qui t'ai engendré dans la foi, dans l'évangile. C'est moi qui suis ton père. Et tu sais les enseignements que je donne. Tu connais bien ma vie. On a déjà mesuré maïsha yangu. Tu sais ma conduite. On a déjà ongozi. Tu connais bien ma conduite. On a déjà mesuré ongozi wangu. Tu connais mes projets. Mama puyangu. Quand je suis avec toi. Quels sont mes projets? Mama puyangu. Vite comme il n'a pas d'argent. Oui, bien aimé frère. Tu connais ma foi. Dans les choses. On a eu à bien mis la mini. On a eu à bien mis la compagnie. Mais c'est pourquoi j'ai toujours dit. Timothée, tu me connais. On a joué à il est. Tu le sais. On a joué à Mzour. Tu sais ma douceur. On a joué au Poléwangu. Tu sais mon amour. On a joué à ma pendo yangu. Comment j'aime Dieu. On a gagné. Comment j'aime l'église du Seigneur. On a tu connais ma constance. On a joué à Moussima. Ma fermeté. Je n'ai pas de compromis. Je n'ai pas de compromis. Timothée, tu sais ça. Je dois mesurer Timothée, il est. Frère, Boukou. Ma soeur, Dada Yangu. Il faut imiter les bonnes choses. Je n'ai pas de facile à dire que vous avez matin de mesurer. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, dans le verset de l'Écriture, dit soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. Imitez un homme de Dieu. Qui est influencé par la parole de Dieu. par l'esprit de vérité, par Christ. Voilà un homme qu'il faut imiter. Le monde n'a pas sa fatrisha. Je vous loue. Peut-être que vous vous souvenez de moi, tout égard. Vous voyez, naona. Quand vous avez un homme de Dieu, on est correct. Quand vous parlez, dit comme l'homme de Dieu, j'aime aussi être comme lui. J'aime marcher comme lui. J'aime défendre la parole comme lui. J'aime accompagner la Mungu, ça y est. Voyez mes frères. À Panaweye, vous connaissez un exemple, Paka, il y a Bantua là où il y a un exemple que tu vas aller en bas là, et tu n'as jamais vécu, tu n'as jamais vécu, tu ne comprends absolument rien. Je veux que je te loue, de ce que vous vous souvenez de moi, à tout égard, et de ce que vous retenez mes instructions, elles que je vous ai données, Batoto Yamou. Enfants de Dieu, tel que nous sommes donnés. Ici, nous enseignons pas en anglais. Ce n'est pas par des mystères. Mais si vous recevez ces paroles, votre vie sera mystérieuse. Ce sont des paroles simples, mais qui amènent une vie mystérieuse. Vous voyez, quand le diable voit, c'est vrai, bien aimé frère, imitez les bonnes choses, comme le dit Jean, dans 3e Jean. Oui, bien aimé frère, un chrétien sait imiter les bonnes choses. 3e Jean, au verset 11, ce que tu dis, bien aimé, n'imitez pas le mal, mais le bien. C'est lui qui pratique le bien, et de Dieu, et celui qui fait le mal, n'a point vu Dieu. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Soyez influencés dans le bon. Soyez influencés par la parole. Ayez de bons conseillers. Éloignez-vous de tous les mauvais conseillers. Oui, bien aimés. Imitez les bonnes choses. Après la parole d'œil. Vous n'avez pas de Yako. Un chrétien, on le témoigne. Attention, frère Flagne. Ah, c'est un bon. Attention, c'est Flagne. C'est un chrétien. Vous les frères, vous les dada. Quand vous êtes là, vous êtes là. Il parle d'écho. Il t'a hâte de merveilleux. On n'est pas seulement là pour critiquer. Voilà, tout ce qu'un homme fait. Non, la bénédiction de Dieu, on la loue. La bénédiction de Dieu, on la reconnaît. La protection de Dieu, on la loue. La protection de Dieu, on la loue. On la reconnaît aussi. Oui, bien aimés soeurs. Soyez influencés par de bonnes choses. Écoutez ce que fait Banam. Dans l'influence de notre. Avant de quoi, écoutez ce qu'il lisait. Au paragraphe 57 et 58. Écoutez. Donc l'influence, nous voyons que la vie d'Osias influence ses prophètes. Osias construisit des murailles. Il se fortifia. Il les prit aux Philistins. Les terres et les possessions qui leur appartenaient. Si bien que sa réputation s'est répandue jusqu'en Égypte. Et laissez-moi vous dire que dans toutes les chroniques de rois, il y en a eu point à part Salomon qui s'est étendu comme Ozias. Pourquoi? Parce qu'il montra l'exemple. Quel exemple? La fidélité, l'obéissance à la parole de Dieu. Il resta avec Dieu. Quel est l'exemple qu'il donna? Il resta en toute chose avec Dieu. Peu importe ce que son peuple pensait, ce que quiconque d'autre pensait, ce que ses politiciens pensaient, en ayant de l'influence, essayant de l'influencer, il resta directement avec Dieu et Dieu le bénit. Vous voyez bien mes frères, vous voyez bien mes soeurs, un chrétien se laisse influencer par Dieu parce que Dieu est la parole. Vous voyez bien mes frères, toi tu te laisses influencer par Cambo, tu te laisses influencer par des grandes assemblées, tu te laisses influencer par la civilisation, tu te laisses influencer par des coutumes, tu te laisses influencer par de faux amis. Non, bien aimé frère. Non, bien aimé soeur. Dieu les fit prospérer. Parce qu'il est resté avec Dieu. Et Dieu l'a influencé. Il a refusé toute autre influence. Toute chose qui ne venait pas de Dieu. Toute influence qui ne venait pas de Dieu. Il est resté loin de cela. Il n'aime pas la politique. Non, bien aimé frère. Influencé par la politique. Il n'était pas influencé par les hommes d'affaires. Il n'était pas influencé par l'argent. Il n'était pas influencé par des méchants. Il est resté étroitement lié, attaché à Dieu. Voilà l'exemple qu'il a laissé. Il resta directement avec Dieu. Et Dieu le bénit. Croyez bien mes frères. Suivez la parole ici. On ouvre la fenêtre, vous regardez là-bas. C'est là où il y a Dieu. Vous voyez. Il resta directement avec Dieu. Et Dieu le bénit. Il finit grande aide pour ce jeune prophète. Combien Dieu bénit un homme qui restera fidèle à la parole de Dieu. Combien Dieu bénit un homme qui restera fidèle à la parole de Dieu. Il ne sera pas peut-être populaire. Très populaire. Mais il sera béni. Eh bien, maintenant, les gens doivent faire leur choix. Ce matin, tu dois faire ton choix. Ce matin, je dois faire mon choix. Cette église de Cambo doit faire son choix. Ou soit, vous voulez être influencé par les grandes assemblées. Ou vous voulez être influencé par le ciel. C'est pourquoi, à quoi qui n'a ni révolta dans ma foi, vous n'y faites pas exemple, il y a je sais ce que mène le message. Je connais la Bible. À part le coup de bâton, exemple, il y a un pasteur rétrograde. Des assemblées rétrogrades. Déjà rétrograde. Non, bien aimé frère. Donne-moi quelqu'un. L'exemple de quelqu'un qui est influencé par l'Esprit de Dieu. Qui est influencé par le message du temps de la fin. Jumba wakati ya mwisho. Par une vie de sainteté, de pureté, par une montagne comme montagne, Jésus, il a dit, ça c'est de la folie, ça. Ouais, mais non, mes frères, peut-être il ne sera pas populaire. Prenez votre choix. Oh, et maintenant, ça. Les gens doivent faire leur choix. Ah, là, soit, voilà. Vous agissez comme les restes des gens. Soit, voilà. Vous agissez comme les restes des gens. On attend ça à votre beauté. Soit, voilà. Vous voulez être béni de Dieu. C'est ton choix. Il est nous. Maintenant, vous pouvez faire votre choix. Si vous voulez vivre comme le reste du monde, vous serez béni d'eux. Mais si vous tournez, tous vos désirs vers Dieu, vous serez béni de Dieu. Et vous devez donc faire votre choix. Qui vous voulez servir? Comme le prophète l'a dit. Oui, bien aimé frère. Mais l'écriture dit: souviens-toi de ton créateur premièrement. Souviens-toi de ton créateur. Oui, bien aimé frère et soeur. Si vous voulez être influencé par le monde, c'est ton problème. Mais un chrétien imite le bien. Il est influencé dans le bon. Il a de bons conseillers. Il reçoit de bons conseils. Des gens qui lui conseillent pour la paix. Et non pour sa destruction. Oui, bien mes frères et sœurs. Il n'y a pas de sagesse. Il n'y a pas d'intelligence. En dehors de la parole. Il n'y a pas de conseil. En dehors de la parole. Que ça vient de n'importe qui. Attachez Fouya comme cage. Et qu'on a coupé à ma conseil et un pire. Tu ne dois pas accepter cela. Oh, comme la katala. Adami Pandish. A katala ou Pandish. Mais où ta panda ka kumbi. On ne doit pas vendre la foi. On ne doit pas vendre l'âme. Dieu habite la mouille. Des choses du monde. Oui, bien mes frères. Où qu'on a monté pour conseiller Mbaye. Moi, je n'ai pas conseillé Mbaye. Il y a des gens de mauvais conseils. Parce qu'elle n'a coupé à Kabunga. Et vous êtes obligé d'accepter tout. Et non, on a laissé. Oh, frère, il y a une balance à Yviaga. Dans la carte à la Chaouria. Alors, il t'a fait à Wapi. Dieu prend soin des siens. C'est pourquoi il est écrit: je n'ai jamais vu un juste demander son pain. L'Éternel, il est écrit: l'Éternel ne laisse pas souffrir de faim les hommes justes. Oh frère, parce que c'est lui. Alain Panan Jacques Mangou. Alain Jacques Milato. Bien toi, il faut qu'il vive la vie. N'a pas tombé dans le pied comme ça. Je vais même payer les frais scolaires pour mes enfants. Ce n'est pas ça une garantie. Il est Alain Kikicho. Non, bien aimé frère. Soyez influencés dans les bons. Ayez de bons conseillers. Recevez de bons conseils. Et ne soyez pas insensés. Éloignez-vous de tous les mauvais conseillers. Qui ont des conseillers impies. Des conseils contre la parole. Des conseils qui ôtent en vous la crainte de Dieu. Des conseils qui vous poussent à retirer la parole de Dieu. Non. Que rien au monde. Que rien au monde. Ne vous détachez la parole de Dieu, de l'influence divine. Oui, bien aimé frère. Voilà pourquoi il a été imposé. Osias est un bon pour Esaïe. Regardez dans cette église. Qui est ce frère? Ce foyer qui est en paix, qui prospère dans la foi. Que cet homme, que cette soeur, que ce foyer là soit votre modèle. Imitez cela. Oui, bien aimé frère. Dans Hébreu. Oui, bien aimé frère. Imitez toujours le bon. Fuyez les mauvais conseillers. Hébreux chapitre 13. Dans le verset 7 de l'Écriture dit. Ici, dit ceci. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été leur fin, quelle a été la fin de leur vie. Et imitez leur foi. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu Dieu ne l'oubliera jamais. Il vous récompensera. Osias, il est avec la parole. Il est resté avec Dieu. Avec le bon conseil. Pendant tout ce temps, il était avec Dieu. Avec de bons conseils. Avec un bon esprit. Dieu l'a fait prospérer. Oui, bien aimé frère. C'est pourquoi ce matin, retenez cela de tout votre cœur. Vous voyez bien mes frères. Retenez cela de tout votre cœur. Ayez toujours des bons conseillers. Et fuyez les mauvais conseillers. Que Dieu vous bénisse pour ce matin. Oui, bien mes frères. Oui, bien mes soeurs. Faites un vœu à Dieu. Dites Seigneur. Dès maintenant, je ne suivrai jamais des mauvais conseillers et des mauvais conseils. Oui, bien mes frères. Oui, bien mes soeurs. Tes mauvais conseils pour la destruction de ta foi, pour la destruction de ta maison. Ne le faites pas. Ne suivez même pas de mauvais conseils. Pour détruire cette église. Non, bien aimé frère. Il y a des mauvais conseils. Et des mauvais conseillers. Qui n'aiment pas cette église. Où est bien aimé frère? Je n'aime pas voir l'unité que vous avez, la foi que vous avez, l'amour que vous avez pour la parole. Il y a aussi des mauvais conseillers. Dans chaque domaine, il y a toujours des mauvais conseillers. Mais ayez des bons conseillers. Des gens qui vous conseillent pour la paix de cette église. Des gens qui vous encouragent pour l'unité de cette église. Voilà les gens que vous devez apprécier. Des gens qui vous conseillent. Vous aimez vos conducteurs. Vous aimez vos frères et vos soeurs. Voilà des bons conseillers. des gens qui vous conseillent pour un bon foyer harmonieux, pour la fête dans votre foyer. Oui, bien aimé frère, des gens qui vous conseillent pour la paix avec vos parents. Voyez bien aimé frère, pas n'importe quel conseil, faut pas accepter n'importe quel conseil. Jésus Christ est à la porte. Église de Cambodge, je voulais dire au nom du Seigneur, soyez toujours influencé par la parole de Dieu. Amen. Amen.